rêver sans escale pour te plaire, un peu sensuel donner, ne rien dire et le faire, toujours naturel courir sur la plage dans les vagues, follement passionné. Pleurer quand la vie me fait mal, fragile, excessif, aimer en secret rien que toi, bien trop possessif, oser t'appeler seulement pour entendre ta voix. Femme, tout simplement une femme, je suis tout simplement une femme. Femme, tout simplement une femme, une île de force et de faiblesse. Femme, tout simplement une femme, femme près de toi pour la vie. Douter un instant, se reprendre, lucide, instinctif, se battre, caresser et griffer, sauvage et féline, chercher à comprendre, pardonner, certaine de gagner.